Eleanor Raymond, Histoire de notre temps, par Émile de Renforgue. Il n'est pas de genre plus national peut-être en Angleterre que le roman de Meurce. Il n'en est pas aussi qui se prête mieux au libre déploiement des qualités qui font l'honneur du génie anglais, l'instinct du vrai, le sentiment vif et délicat des conditions de la vie réelle, observé dans ses plus légers incidents, dans ses plus fugitives nuances. Beaucoup de romans anglais contemporains ont tout l'intérêt d'une enquête où la part des souvenirs et de l'observation égale, si elle ne dépasse pas souvent, celle de la fiction et de la fantaisie. Appeler sur ces touchantes histoires l'attention des lecteurs français, les conquérir en quelque sorte à notre littérature par des reproductions tantôt complètes, tantôt plus libres, et resserrant dans un cadre fidèle les traits essentiels d'un long récit, ce serait mettre en lumière quelques-uns des plus curieux côtés de la vie anglaise. Ce serait aussi faire connaître, par leurs œuvres même, quelques talents dont la critique, si elle n'appelle la citation à son aide, ne suffit pas toujours à révéler toute la valeur. Tel est le but que nous voudrions atteindre en appliquant aujourd'hui un roman nouveau de l'honorable Mrs. Norton, Stuart de Dunlath, le système d'interprétation qui nous paraît le plus propre à en faire ressortir le charme et le caractère, à lui assurer en deçà de la blanche un peu de succès qu'il a déjà accueilli cette année même dans les salons de Londres. Cette peinture de mœurs aristocratique est d'une fidélité qu'atteste doublement la voix qu'elle a obtenue et le nom même du peintre. Petite fille de Sheridan et mariée au frère de Lord Grantley, Caroline Elizabeth Sarah Norton a débuté, tout enfant, dans les lettres par une satire contre le dandysme. Depuis lors, et le rout des dandys n'est pas d'hier, elle n'a cessé de vivre au milieu de la société la plus recherchée, la plus exclusive, reine enviée des bals d'Almack, lorsque ces fêtes aristocratiques brillaient de tout leur prestige, victime et victime hautement justifiée des intrigues de ce monde éblouissant, mais pervers, et enfin, au sein de l'air énervant qu'on y respire, ayant su garder un rang éminent parmi les poètes de son temps. Les douleurs de Rosalie, l'immortel, et beaucoup plus tard le rêve, dédié à la belle duchesse de Sutherland, l'ont placé fort près de Felicia Hammonds et fort au-dessus de presque toutes leurs émules. Dans ce dernier poème, Mrs. Norton a, pour ainsi dire, préludé au roman que nous allons essayer de reproduire. Une jeune fille s'éveille au milieu d'un rêve d'amour et le raconte à sa mère, qui prend texte de cette confidence naïve pour dérouler sous les yeux de son enfant le tableau sévère de la vie réelle et dissiper les illusions dont elle entrevoit le péril. L'amer sentiment d'une épouse outragée perce d'un bout à l'autre dans cette audacieuse peinture où l'on remarque les vers suivants que nous plaçons volontiers comme épigraphe en tête du récit qu'on va lire. Demande au ciel de t'envoyer pauvreté, maladie et mort, tous les maux qu'aspire l'être humain avec le souffle dont il vit, plutôt que de te condamner à user ton existence en ces misérables luttes, à errer au hasard, sans pardon, courbé sous le poids de ton cœur, à rêver, comme l'idéal du bonheur, la mort de celle qui succombe indulgente et réconciliée, ou bien encore, lasse de colère, de mépris, de haine, à venir implorer le pardon du coupable qui t'aura infligé tant de souffrances. Cherche, au fond de ton âme déchirée, parmi tes pensées en désordre, celles qui t'ont fait si longtemps délirer. Qu'elles prennent sur tes lèvres le langage de la passion suppliante. Essaye d'apprendre à cet homme ce que peuvent être les tourments du cœur. Pleure, prie, épuise tes forces en sanglots insensés. À genoux, et roule-toi sur la terre dure, et que ton corps se replie ainsi que le serpent mortellement atteint. Invoque le ciel, qui sait combien ta douleur est vraie. Appelle-en aux plus doux souvenirs de ta jeunesse, aux joyeuses espérances qui bercèrent tes premiers jours, aux larmes qui ont éteint ta colère, au bonheur qu'il t'a dû et dont il n'a pas gardé la mémoire, à ces angoisses qui te font désirer la mort, et tu sauras alors comment un homme peut frapper au cœur, d'une main assurée, la pauvre femme qui se débat à ses genoux, la frapper et ne pas avoir pitié.